Souvent, quand une souffrance vibratoire peut pas être psychologisée, ça va se traduire par des phénomènes, comme par exemple les gens qui ont tendance à angoisser beaucoup, les attaques de panique, un trop-plein, l'incapacité de gérer ça, de gérer l'information, souvent ça va être lié à un inconfort vibratoire. Il y a des choses enregistrées qui veulent se... Bon, mon frigidaire, ce qui veulent se... Comment je pourrais dire ça? Si vous avez de la mémoire traumatique qui peut se réveiller, qui veut se réveiller, ça peut être bloqué. Donc, au lieu d'avoir une souffrance psychologique intense, il va y avoir une sorte de crise, c'est-à-dire une incapacité à gérer l'information environnementale, ça va engendrer de la panique. De la panique. Mais bon. Tout ça, c'est entre autres lié au fait que bon, c'est beaucoup lié au système nerveux, le vibratoire. Dans l'enregistrement, Bernard, il parle, il dit, ah, les entités astrales, ils servent du sang. Ça peut paraître bizarre, mais ce qu'il y a à comprendre par rapport à ça, parce que ça fait longtemps que c'est su, ces choses-là, c'est l'aspect magnétique, l'aspect psychomagnétique sublunaire de l'âme, de certains aspects, bon, c'est tandis que si on va plus haut que ça, des phénomènes un petit peu plus élevés, un petit peu plus puissants, là, ça va être psychoélectrique, ça va être beaucoup lié au système nerveux. Si vous prenez, par exemple, certains courants qu'il y a eu à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui étaient beaucoup liés, entre autres, à des fascinations pour le sang, ça, c'en est des phénomènes lié à de la corruption astrale, dans le sens que c'est très magnétique, c'est assez basé sur le magnétique. Il y avait beaucoup de groupes ésotériques, notamment en Europe de l'Est ou en Allemagne, en Autriche, que tout était basé sur le magnétique du sang, puis les phases de la Lune, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ont dit que, entre autres, certains groupuscules germaniques avaient voulu enlever la mission de certains peuples parce que c'était une guerre entre les sorciers du sang et les magiciens du ciel. Il y avait une sorte de... Bon, en tant qu'il peut, comprendre qu'il pourra, parce qu'il s'agit de sujets délicats. C'est très, très délicat, ces choses-là. Puis ça, il y en a qui y tiennent au magnétique, c'est sûr, ils sont magnétisés. Donc, l'affaire là, quand vous êtes comme un magnétiseur, là, il va y avoir ce qu'on appelle là, des passes magnétiques, des choses comme ça va être beaucoup lié au sang, au magnétique du corps, puis après, ça a des effets sur le système nerveux, tandis qu'il y a d'autres phénomènes, ça va être le contraire. À partir de phénomènes très, très liés à la sensibilité du système nerveux, là, on va pouvoir influencer la pression au niveau de la vascularité, des choses très surprenante, très étrange, liée entre autres à de la suggestion, mais partout ce qu'il n'y a pas une conscience intégrale, il va y avoir de la programmation, c'est-à-dire des programmes autorégulés. Quand vous faites quelqu'un qui obéit à une suggestion inconsciemment, il est comme c'est quelque chose de mécanique, c'est une mécanicité, c'est des programmes. Donc, ces choses-là, là, bon.